Sans toi je ne sais plus, sans ça je suis perdu. J'ai pas la prétention d'observer sans la vue. Sans toi je ne suis rien, sans ça je suis pas bien. J'ai pas la prétention de regarder les tiens. Sans flamme j'ai plus de feu et donc sans ceux j'ai plus de drame. Sans cœur j'ai plus de frère, j'ai plus de père donc je suis seul. Sans foi y'a plus de Dieu et sans les deux tu n'es plus toi. Sans roi y'a plus d'échelle et sans la classe y'a plus de haine. Sans choix y'a plus de foi et puis sans croix y'a plus de droit. Les pieds sur terre, sans tête en l'air, il faut du plomb dans la cervelle. Sans but on le recherche et quand on sèche on en trébuche. Sans âme on est statique et on s'instille quand on nous parle. Sans âme on a la paix, vos gardiens on sent la paire. Sans guerre on a la fête mais sans la faire on la regrette. Sans peur on se sent libre mais on est ivre de nos malheurs. Sans heure y'a plus de temps et sans les chiffres y'a plus d'erreur. Avec toi je suis mieux, pas dehors de jugement. Et ça jusqu'à la fin, que je meurs si je mens. Avec toi je suis tout, je veux l'accompagner à vie. Puis on se serre les coudes quand j'ai la chance qui me sourit. Avec paye à l'amour, avec elle le pardon. C'est ça qui nous rend bon, et qui le rend toujours. Sans être on veut l'avoir, c'est ça qui nous rend fou. C'est ça qui nous emmerde et puis c'est ça qui nous renferme. Si tu me parles de haine, je te parlerai de la foi. Si tu me parles d'un règne, j'irai faire torturer le roi. Je ne veux pas de mythos frères qui font pleurer l'assemblée. Je ne veux pas de micro avec de la haine rassemblée. Comme je t'aime, je te hais, je t'admire, tu le sais. Tu as du charme mais tu es laid. Tu donnes la foi mais pas de l'aide. Comme un rêve ou un cauchemar, je rêve de toi la nuit. Je sais qu'au fond tu m'aides et j'en donnerai ma vie.